Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Boîte à Gants, la 9e émission de La Boîte à Gants. Vous savez, ici on fait un peu tout, n'importe quoi, on fait surtout ce qui nous donne envie. Cette semaine on a préparé un truc assez rigolo, mais malheureusement Bichente n'est pas là, Oshka a des problèmes de voiture, donc on va devoir repousser ce thème un peu rigolo. Et puis on s'est dit avec Seb qu'on allait parler de quelque chose qui nous tient un peu à cœur à tous les deux, et c'est pour ça que j'ai Seb avec moi. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Ben ça va super, je suis content de vous retrouver ici pour La Boîte à Gants après 2 semaines de Ship and Beer, que vous pouvez écouter d'ailleurs sur radiolaculture.wordpress.com, comme toutes les autres émissions d'ailleurs, et la pochette, la nouvelle émission aussi de Radiolaculture. Avec toi, on a voulu parler de groupe du Pays Basque parce que tu n'es pas du Pays Basque, Seb, tu es arrivé il y a quelques années. Tu viens d'où? Je viens de Pau. Tu viens de Pau, et du coup tu as découvert un peu les groupes du Pays Basque assez, on va dire, récemment, avec des gros guillemets. Ouais. Et sachant que cette émission est diffusée à Bordeaux, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir ton parcours, par où tu es rentré, comment on peut rentrer dans ce monde qui a l'air un peu fermé, celui Pays Basque, pour donner des petits tips à nos amis bordelais pour aussi rentrer dans ce monde de musique basque. Et voilà, quelque chose à rajouter avant qu'on commence l'émission? Non, du tout. Et bien alors, c'est parti pour La Boîte à Gants numéro 9. Bienvenue dans La Boîte à Gants numéro 9. Aujourd'hui, on va parler de comment Sébastien est entré dans le monde du Pays Basque, dans le rock du Pays Basque. C'est beaucoup de rock quand même au Pays Basque en ce moment, ou des dérivés de rock. Et tu as choisi 4 groupes, 4 chansons à nous présenter, des choses que tu as aimées en venant, c'est ça? C'est ça. Et on va commencer avec un premier groupe qui s'appelle Aimé. Aimé, E-M-E, avec une chanson qui s'appelle Ama, A-M-A. Ils sont pas beaucoup fait chier, j'ai l'impression, sur ce coup-là. Ama, ça veut dire maman en basque. Aimé, ça peut vouloir dire femme. Mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils ont voulu dire, parce que là, c'est E minuscule, M majuscule et E minuscule. Donc je sais pas s'il y a quelque chose derrière. Tu peux leur raconter comment t'es tombé sur ça? Ben là, on peut dire merci Spotify et tu sais, ces choix aléatoires quand t'as fini un album ou quoi. Alors je sais plus ce que j'écoutais à l'époque et je suis tombé là-dessus, et surtout sur ce morceau, et gros coup de cœur. Voilà, c'est pas forcément le style que j'écoute régulièrement, quoi, d'habitude, mais là, celui-là, je sais pas, il m'a pris, il m'a happé, et je me le suis écouté en boucle. Après, j'ai écouté l'album en boucle aussi pendant une période. J'ai adoré, je sais pas, la sensibilité, la production, la voix de la chanteuse, enfin, ouais, tout m'a plu, quoi. Ben on va écouter ça, puis pareil on va en parler après, mais d'abord on va laisser à nos auditeurs le temps de se faire une idée. Le groupe c'est Aimé, la chanson c'est Ama. Yeah. Ama du groupe Aimé. C'était bien ça, Seb, je me suis pas planté de chanson. Ah, oh, c'était ça, ouais. Ouh, t'as l'air extatique. Ah, je vais kiffer. Donc, ouais, une chanson extrêmement intéressante. La batterie, très cool. Batterie, ouais. Rythmique très bizarre. Ouais, et j'adore, bah, en tant que batteur, j'adore la rythmique de ce morceau qui a un début qui amène un peu de. Comment dire de rapidité, parce qu'il y a beaucoup de coups. Et sur la fin, le rythme, il laisse un trou dans la musique. On dit que les silences comptent aussi. Et là, il laisse ce trou qui fait un espèce de. Et tac, il retombe. Mmh. Et je trouve que ça va super bien. C'est pas un rythme pop classique. Là, je le trouve super bien amené. Quoi. C'est... Il y a un petit côté à 90, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Mais maintenant que tu le dis, ouais, c'est vrai. C'est côté un peu post-grunge. Ouais. Tu sais, ce truc post-grunge qui passe à la radio, quoi. Ouais, ouais, ouais. Un truc qui avait quand même ce truc un peu punk. Ouais. Mais pas trop. Ouais, ouais. Mais c'est là où, si tu me demandes quel style de musique c'est, j'arriverai pas bien à le définir parce qu'il y a des touches de pop, il y a des touches de rock, voilà. Il y a des touches électro. Enfin, c'est compliqué à étiqueter, quoi. Mmh. Voilà. Alors, je connais pas du tout ce groupe, je dois bien avouer. Je les ai vus passer il y a. Donc, ça, c'était quand? 2018. Donc, il y a 5 ans déjà. Janvier 2018. Je connaissais pas du tout et c'est vraiment très cool. Donc c'est quoi, clavier, guitare, batterie. Je sais pas s'il y a une basse ou si la basse elle est faite au clavier. Non, je sais pas du tout. Parce que donc j'ai regardé un peu, ils sont 3 dans le groupe, effectivement, ils sont que 3. Et donc une batterie c'est sûr. Est-ce que la chanteuse est au clavier ou à la basse? Est-ce qu'il y a une basse à côté? Je suis pas sûr qu'il y ait une basse ou il y a une guitare, clairement. Mm. Enfin, je sais pas. J'avoue que je suis pas allé chercher plus loin que ça. J'ai juste aimé le morceau. Je suis pas allé détailler après. Et tu as écouté l'album du coup? Ouais. C'est dans le même style? C'est dans le même style avec des morceaux qui ont d'autres dynamiques. Mais c'est. Il y a toujours. C'est ça que j'ai aimé. Il y a cette espèce de douceur qui passe beaucoup par la voix de la chanteuse ou quoi. C'est très hypnotisant à la fin. Ouais. C'est quoi? Pendant la moitié de la chanson, c'est 3 accords qui tournent en boucle. La chanteuse qui fait des variations. C'est... Le clavier qui fait quelques variations aussi. C'est très hypnotisant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je trouve que là, en plus, par rapport au titre du morceau Ama, donc Maman, je trouve que l'énergie qu'il y a correspond tellement à la. C'est doux comme une maman, mais en même temps, c'est énergique aussi. Le morceau est énergique comme peut l'être une maman des fois parce qu'elle a tellement de choses à gérer. Mmh. Je trouve que ça colle tellement bien au titre. Et après, ne parlant pas basque, ne le comprenant pas, je sais pas ce que veut dire le reste des paroles, mais. J'avoue que j'ai pas écouté. T'as pas écouté, d'accord. J'écoute très peu les paroles, en fait, généralement. J'écoute la musique, j'écoute la mélodie, etc., mais les paroles, j'écoute assez peu. Et comme on parle des paroles, justement, quand je me suis mis à écouter de la musique qui venait du Pays basque, et il est donc chanté en basque majoritairement, j'avais cette crainte, mais ça, c'est personnel parce que je suis très pointilleux sur la partie chant. Et sur le type de voix et aussi sur le type de langue, quoi. Il faut que ça soit pour moi mélodique, tout ça, quoi, le chant. Et je savais pas ce que ça allait donner le basque chanté, tu vois. Je l'entendais parler, mais chanter. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Il y en a beaucoup, mais je pense que le problème du fait qu'en France, qui est qu'une seule langue officielle, ça déshabitue à écouter d'autres choses dans d'autres langues. Ben, j'écoute de l'anglais, j'écoute en allemand, tu vois. C'est l'anglais souvent, quoi. Il y a un peu espagnol, un poil d'allemand, vite fait, encore l'allemand, c'est juste, en vrai, c'est Rammstein et c'est tout, quoi. Oui. Et voilà, et ça déshabitue beaucoup les Français. Ils ont souvent peur, ils disent, ah, même dans cette langue, ça peut marcher. Et puis une fois que tu leur mets dans les oreilles, ils sont, bon, finalement, ça passe. Je savais pas quoi m'attendre, mais j'étais là. Parce que quand j'ai découvert Rammstein, donc la langue allemande, c'est rude quand même. Ouais, mais tu peux faire des trucs très doux en allemand aussi, ça existe, ça marche très bien. Oui, mais ils ont des phonétiques qui des trucs comme ça là, tu vois, qui accrochent un peu, que ça fait bizarre. Mais là, le basque, non, c'est comme si c'était de l'anglais, quoi. C'est ça passe super bien. En règle générale, il faut pas avoir peur vraiment d'écouter de la langue. Il y a The Who là en ce moment qui marche beaucoup. HU, les Mongoliens. Les Mongoliens, pas du tout, les Mongols. Je crois. Les Mongols. Oh là là. Bon, je vais voir si je censure ça ou pas. n'importe quoi. Les Mongols qui ont joué le fest cet été, qui marchent très bien. En plus, ils ont une technique de voix gutturale. Je vais pas le refaire, ça serait ridicule. Mais qui marche très bien aussi. Et ouais, surtout, pas hésiter à écouter les Japonais aussi, ça marche très bien. Ouais, j'adore. Les Chinois. Un peu tout, quoi. Vraiment, faut pas avoir peur d'écouter dans d'autres langues. C'est, généralement, l'immense majorité du temps, c'est très bien. Et si c'est pas bien, c'est pas à cause de la langue. Oui. On enchaîne ? Yes. On enchaîne. Deuxième groupe, qu'est-ce que c'est ? c'est Quartz. Quartz, les fameux Quartz. Voilà. Qui ont explosé quand même assez vite au Pays Basque. C'est un duo, batterie, guitare. Le guitariste est au chant aussi. Et au chant, pardon, à la guitare, il a un octaveur qui fait qu'il peut descendre sa guitare très bas. Donc pour aller au niveau d'une basse. Voilà pour la petite Titanic. On écoute ça ? Allez. Puis après, on en parle comme d'habitude de Quartz avec la chanson Shunchitu. Shunchitu de Quartz, lui aussi sorti il y a 5 ans, donc en 2018. Comment tu as connu Quartz, Seb ? Eh bien, par toi. Par moi ? Ouais, parce que c'est à l'époque où on était à la formation technicien du son, tous les deux. Tout à fait. Et je te parlais que j'aimais bien le stoner et tout ça. Il me dit, et c'est là que tu m'as dit, mais tu connais Quartz ? C'est d'ici et tout. Je fais, non. J'avais pas encore mis l'oreille dessus. Qu'un soir, en sortant de la formation, on décide d'aller boire une petite bière dans un bar de Biarritz. Et qui c'est qui passe par là ? Le batteur de Quartz. Ah, c'est vrai qu'Oyan, il était passé par là. Voilà. Et du coup, je rencontre le batteur de Quartz. Et on en a parlé. Et puis en suivant, en rentrant, je dis, il faut que j'écoute ce truc. Et coup de cœur. Parce que nous, on faisait du punk avec Oyan et Oshka. C'est comme ça que j'ai connu Oshka, d'ailleurs. Ils avaient un groupe ensemble. Ils m'avaient demandé de venir chanter. Donc voilà, on faisait tranquillement du punk. Et quelques années après, Ibesh avait lâché son groupe, enfin le groupe s'était arrêté, et il cherchait quelqu'un pour jouer avec lui. Il avait essayé plusieurs batteurs, dont celui de Diabolo Kiwi, il me semble. Mais à l'époque, il était un peu jeune, le batteur de Diabolo Kiwi. Et du coup, il avait essayé Koyan, qui a pris un niveau de batterie mais d'un coup. Parce que nous, c'était du punk, en tout cas, même pas tout cas d'ailleurs. Et puis d'un coup, t'arrives avec ça, des rythmiques un peu à la comp, de temps en temps. Là au milieu, il y a un pan avec, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du 5-4, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de rythmique à la comp et il faut être carré, quoi. Il faut être carré. Ah ouais, c'est très propre, c'est très bon. Et en plus, je suis un gros fan de Stoner. Mmh. Et là, il y a tout, quoi. Il y a tout ce que j'aime du Stoner dedans. Ce morceau, il est fantastique. C'est bon, ouais, il est vraiment cool. Il continue à le faire, je crois, en fin de concert. Il a vraiment... Bah, certainement parce que c'est le plus connu. Il me semble que c'est la première chanson qu'ils ont sortie. Mais c'est vrai qu'il fonctionne particulièrement bien celui-là. Ben, l'autre fois, Lorama, on l'a vu, ils l'ont joué. J'étais content. Voilà, mais non, franchement, super bien. Et pareil, là, le bass qui passe super bien au chant. Enfin, il y a tout qui colle, quoi. C'est... Voilà, gros coup de cœur aussi. Puis ça, cette chanson-là marche bien. Alors, c'est vrai que le gros problème de Quartz pour moi, c'est qu'il est tout seul à la gratte et du coup à la basse. Et que parfois, ça paraît un peu vite, quoi. Oui. Quand il fait son riff qui s'arrête, ben, il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de basse, il n'y a plus rien. Et en plus de ça, il ne peut pas trop se permettre d'envoyer de grands accords, puisqu'il y a la basse qui doit suivre. Et on ne fait pas d'accord à la basse, non pas parce que c'est moche, mais parce que la basse a tendance à prendre beaucoup de place. Du coup, si on rajoute des lignes de basse les unes sur les autres, ça commence à être un vrai brouhaha, comme on dit. Et du coup, c'est peut-être ça le gros problème, je pense, de Quartz, c'est de réussir à se renouveler tout en essayant de combler un peu ses trous. Et sur cette chanson-là, ils arrivent particulièrement bien. Ah ouais, très très bien. Après oui, c'est un exercice de faire des duos comme ça, batterie, guitare, sans basse. Et il y a des manques à combler, ouais. Et c'est pas évident, quoi. Toutefois, on vous conseille quand même d'aller les voir en concert. Ils jouent assez souvent dans le coin. Si vous êtes à Bordeaux, que vous êtes programmateur, n'hésitez pas. Ils se feront un grand plaisir de venir à Bordeaux. En plus, ils sont que deux, donc ça va. En plus, il n'a même pas d'ampli, la gratte. C'est un ampli numérique, même sur l'enregistrement, là. Donc, parce qu'on est quand même en 2023, ça sonne aujourd'hui. Les amplis numériques, ça sonne vraiment de fou. Et par contre, ça fait la taille d'un paquet de pépito, quoi. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Donc, ouais, n'hésitez pas à aller voir Quartz. Et puis, en plus, il y a une petite, mon petit doigt me dit qu'ils sont en train de préparer le troisième album qui devrait sortir cette année. Quand exactement, je ne sais pas, mais voilà, il devrait sortir cette année. Donc, Quartz qui a déjà deux albums. Ouais. T'avais écouté les deux ? Ouais. Alors ? J'ai préféré le premier. T'as préféré le premier. Ouais, j'ai bien aimé le second, mais j'ai préféré le premier. C'était pas la même énergie, c'était pas le. Voilà, je préférais le premier. Ouais. Donc c'était Quartz avec Shunchito. On va passer à une troisième chanson que tu as choisie. Seb, c'est quoi cette fois-ci ? Là, ça fait trois salles, trois ambiances différentes. Trois salles, trois ambiances, ouais. Lumi, c'est autre chose. Ouais. Là, j'ai choisi le Lumi, ouais, et un morceau. Alors, je étant adepte quand même de l'électro et du dubstep ou quoi, je suis tombé à un moment donné sur ce groupe-là et ce morceau qui m'a rappelé un peu tout ça. Et pareil, coup de cœur, et avec ce chant basque, vous allez voir, qui est particulier. Enfin, voilà, c'est très ambiancé. Je vous laisse écouter. On va écouter ça. Dembolako, Koshmonautak de Lumi. Yeah. Denboroko Kosmonautak par Lumi. Effectivement, trois salles, trois ambiances. Complètement. Pour le moment. Lumi, qui a un historique assez intéressant, puisque à la base, c'est Naya Sobeldia qui chante, qui chante dans Unama, un groupe que je conseille très très fortement, qui chantait avec sa famille à l'époque, qui avait créé quelques chansons, qui avait créé un groupe. D'ailleurs, dans le premier EP, ces chansons se retrouvent, Léoï et Néa, par exemple. Et donc elle avait créé des chansons avec ce groupe s'est séparé. Finalement, elle a rencontré Mathis, qui va être le DJ, quoi, celui qui, enfin, et Mao, tout ça. Ouais. Et ils ont commencé à faire à jouer à deux. Donc ils ont sorti un premier EP où c'était vraiment elle voix guitare. Guitare électrique, je crois, et lui il était donc aux machines, tout ça. Et il me semble que pour le deuxième album, ils ont complètement abandonné la guitare. Et de ce que j'ai vu sur les images, et là, tu sais, l'espèce de looper de voix que beaucoup de gens ont maintenant, ouais, avec les gros boutons là, quatre, ouais, gros boutons. Il me semble qu'elle a ça maintenant, et là, ils sont partis comme dans full électro, quoi. Ouais, full électro, MAO à bloc, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est mon petit côté maoïste aussi qui a été titillé. Et voilà, c'est du gros délire, ça fait ce morceau. Alors, encore une fois, un morceau qui colle bien au titre avec l'astronaute et tout ça. Denboroko Kosmonautak, ça veut dire les cosmonautes du temps. Ouais, voilà, ça colle vachement. L'ambiance musicale colle vachement bien avec le titre. Et là, ouais, c'est le genre de morceau que t'écoutes en fin de soirée sous LSD, qui te fait partir comme un cosmonaute, quoi. C'est assez drôle. Mais j'aime bien l'énergie, la dynamique du morceau, quoi. Voilà. C'est vrai que j'ai pas écouté ce deuxième album parce que je suis pas hyper réceptif à l'électro comme ça, qui est un peu noir et qui va très loin. C'est vrai que par contre c'est vachement intéressant au niveau de son parcours de voix, comment elle est passée vraiment de quelque chose où c'est une voix classique, d'un chant assez doux, tout ça, vraiment elle va utiliser sa voix comme un instrument. Il me semble qu'à la toute fin, c'est vraiment que la voix qui est modifiée. Et ça donne une espèce de son presque de trompette. Ouais, il y a une modulation, ça, ouais, il est modulé, tout ça, ouais. Ça va très très loin, c'est vraiment très cool. Du coup, je peux vous conseiller d'aller écouter Mathis aussi, donc celui qui est derrière toute la partie électro. Et voilà, Lumi, que vous pouvez voir aussi assez souvent dans le coin, je crois. Voilà. Tu ne sais pas, tu n'as pas cherché. En tout cas, voilà, pareil, si vous êtes promoteur à Bordeaux, ils sont que deux. Ils sont que deux avec des machines. Il y aura peut-être une guitare, mais quelques machines et deux personnes, ça ne va pas être très compliqué à faire bouger ça. Donc surtout, ne pas hésiter. T'as écouté l'album de Lumi? Celui-là, celui que... Non, parce que là, j'avais juste accroché sur ce morceau-là, okay. Mais j'avais pas écouté l'album. Je sais pas pourquoi. J'étais peut-être scotché sur un autre album d'autres choses. Voilà, mais... En tout cas, voilà, si vous aimez ce genre de truc, écoutez l'album. Le premier album, il me semble que c'était un EP, je suis pas sûr que c'était un album. Le premier EP est presque plus classique, pas vraiment plus classique, mais la voix est beaucoup moins modifiée, c'est une guitare, et en fait tout l'accompagnement est électro derrière, c'est-à-dire les accords, la rythmique, tout ça. Peut-être commencer par le premier, si vous n'êtes pas habitué à ça, commencer par le premier et venir là après. Si vous aimez ça, surtout par contre, faut pas hésiter à y aller, quoi. Ça fait une petite demi-heure qu'on est ensemble, on va écouter une dernière chanson. Ouais, quatrième salle, quatrième ambiance. Quatrième ambiance, allez. Alors là, on change carrément de registre. Qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter un morceau de Party Sèche, qui est un groupe de rap, ouais, de Biarritz. Là, qui ne chante pas en basque, en français, mais bon, ils sont du Pays Basque. Mmh. Et juste pour la petite anecdote, je les ai découverts parce que j'ai transporté en Blablacar un de leurs chanteurs. Ok. Voilà. Tu nous as pas dit comment tu avais découvert Lumi ? Lumi, je crois que c'est les aléas de Spotify aussi, comme je commençais à écouter des groupes basques et tout ça, mm-hmm, c'est l'algorithme, il te fait des propositions après, et j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas. Parce que moi, des fois, je lance Spotify chez moi, je le laisse tourner, je bataille pas. En vrai, si on veut découvrir des trucs, Spotify, il y a les radios Spotify qui marchent bien, ouais. YouTube aussi, il y a des modes aléatoires, mais ouais, c'est suivant, quoi. Ouais. Tu es comme ça, si vous voulez découvrir des trucs, en vrai, c'est quand même des algorithmes qui sont plutôt bien foutus pour le coup. Mais moi, j'ai découvert plein de choses grâce à cet algorithme, quoi. Donc, ouais, franchement, je le conseille. Mais là, on est sur Party Sèche, une chanson sortie il y a 3 ans. C'est quoi, là, le titre? Tu l'as plus? Je l'ai plus, non. Je l'ai, c'est Perturbé. Perturbé, voilà. C'est parti, on écoute ça, Perturbé de Party Sèche. Là, je serre dans ma tête, on est quadruplé. faire ce matin, on m'a dit j'ai ce qu'il faut. Le rap ça nous croche, qu'est-ce tu fais? On est quoi? On est quoi? On est perturbé. Ça turbine, je dérive, je deviens stupide, je pense qu'à masturber. PS débarque dans le palace, je vais te niquer ta race sur du Tame Impala. J'ai fait le coup de la banane, tes parents petits les attends pas pour grailler, ils sont pas là. Tout blanc par contre passé, tout noir comme Bocassa. Je bouquine du mot passant, si j'offre de vodka, ça y est, je me pense que sans passant. Te laisser le temps casser, bébé, je suis bon cassa. Je repars en mon cassin. Le rap c'est néfaste, faut pas j'perds du blé. Ma qui augmente les bases et tu saignes du nez. La danger du vrai, mon père brûlé. Son temps c'est fave, moi à peine tu rêves. T'as du mal à respirer comme si t'es ceinture. Et dans ma tête c'est un des bons, on veut que de permuter. Gâche les sols, les boulons, j'fais plus du mot. On est quadruplé. 1, 2, 3, 4. Lucifer ce matin on m'a dit j'ai ce qu'il faut. Il m'a dit j'ai ce qu'il faut. Le rap ça nous croche, qu'est-ce tu fais? Gros crush, qu'est-ce tu fais? On est quoi? On est quoi? On est perturbé. Mais jusqu'à la lunette, si t'as pas su rester muet, hein. Tout ça gueule dans les viseurs de la lunette. Et censé allumer, t'as c'était censé m'amuser. J'aime les petits animaux de la forêt, pisse dans l'œil de Charlotte aux fraises. En vrai, dans PS, on est 8, car en balle, carte et j'tends du canet sans réduite. PS. Je gagne ta vie que j'aime, sinon tu m'épatises. Pas M, ça dit, c'est systématique. Chaque soir, moi c'est que c'est des 4. Réclame une 4, c'est du Philippe 4. Comme Bayard, j'suis mignon quand j'ai peur. J'préfère toujours le méchant dans l'histoire. J'aime entendre ses cris, vendre des bras, des cookies d'or. Comme Michael, j'suis meilleur quand j'suis noir. Y'a des insectes, j'la désinfecte. Le voisin comme un raisin sec. Ou un petit poids dans la conserve. J'peux pas m'empêcher de gueuler dans les concerts. J'suis bien intégré, j'ai capté le concept. J'ai suivi les conseils, sourire aux gens dans l'ascenseur. Faire des balades ascensées, marcher dans le bon sens. Poser sans stress, le doc m'a dit: tant que t'es dans ta lancée, c'est l'essentiel. Mais n'oublie pas prendre ses cachets, c'est la santé. Ta clause à y faire, un diplôme à passer. J'peux pas droguer sans cesse, sois responsable. Des fois j'fais des choses insensées. Mon pénis est si extensible. Passe intérieure et dantesque. J'essaie de rester attentif, mais j'sens bien que la corde est sensible. Là je serre dans ma tête, on est quadruplé. 1, 2, 3, 4, laissez faire ce matin, on m'a dit j'ai ce qu'il faut. Il m'a dit j'ai ce qu'il faut. Le rap ça nous wesh, qu'est-ce tu fais? Gros wesh, qu'est-ce tu fais? On est quoi? On est quoi? On est perturbé. On est perturbé. On est quoi? On est quoi? On est perturbé. C'était Partie Sèche avec Perturbé, quatrième ambiance. Carrément. Ah, je l'avais pas vu venir celle-là. Comment t'as connu ça? Oui, tu nous as dit en transportant un des chanteurs. Un des chanteurs, ouais, c'est ça. Avec qui j'ai vachement bien accroché, super sympa. On a parlé musique et tout dans la voiture, pendant le trajet, quoi. Et du coup, je suis allé écouter et j'ai accroché parce que ça m'a fait penser à Stupéflip. Tout l'instru là, c'est très Stupéflip. Ouais. Voilà, ça m'a fait dans la façon de chanter, les textes, ça m'a fait penser à Vlad aussi. Et c'est pas le genre de truc que j'écoute tous les jours ou quoi, mais de temps en temps, je trouve ça sympa et voire même marrant parce que le mec il me l'a dit, ils se prennent pas au sérieux, c'est en mode décontracte et pour vraiment s'éclater, s'amuser, tu le ressens dans le morceau. Et dans leur texte. D'ailleurs, on arrive sur certains punchlines pendant qu'on écoutait. Et donc voilà. Et puis je trouve que c'est cool parce que c'est des petits gars d'ici qui ont monté ça, qui ont voulu se faire plaisir et qui fait ce qui, le genre de son qu'ils aiment. Donc moi je suis complètement partisan de ça, je suis go quoi. Et puis du coup même je participe en écoutant pour les encourager quoi. Elian qui est déjà passé dans l'essentiel à l'époque, il me semble que c'est lui qui leur a fait le son pendant un temps, la tabale notamment, et il me disait que ça marchait pas mal. Ouais. Que ça marchait vraiment pas mal ouais. Pour eux, c'est cool. Ouais, c'est ce que me disait le chanteur, et que ça marchait pas mal, et qu'ils avaient pas mal de. Ils ramenaient du monde sur les concerts ou quoi, et que même eux, ils étaient surpris, donc c'est cool pour eux, quoi. Il y a un petit côté. Alors, je ne m'intéresse pas tant que ça, pas du tout, on va dire, au rap. Je m'intéresse beaucoup au métal, et je suivais l'analyse d'un métalleux qui analysait le rap comme étant le métal 20 ans après, c'est-à-dire qu'il commence là à passer au grunge, au thrash metal. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté de plus en plus agressif, quoi. Et là, il commence à gueuler, comme aurait pu gueuler il y a 30 ans un Nirvana, quoi. Ça fait longtemps qu'il y a. longtemps, c'est 10-15 dernières années, il y a des styles de rap où ça gueule et c'est ultra violent et tout ça, quoi. Donc, il y a même des groupes de rap. J'ai perdu le nom, là. J'ai vu tout à l'heure le titre, en plus, le nom du groupe. Ils ont carrément mélangé le métal instrumental et le rap chanté avec des grands noms. Il y a Ice Cube dedans. Ouais. J'ai perdu le nom. Si je vous le retrouve, je vous le dirai. Et il y a des styles, c'est de plus en plus violent dans le rap. Voilà, mais moi je disais dans le sens, pas où ils reprennent les codes du métal, mais plutôt où, effectivement, comme le métal, c'est de plus en plus extrême. Ouais. Et c'est de plus en plus violent. Là, les mecs, ils n'hésitent pas à gueuler comme des gros sagouins, comme des métalleux, quoi, finalement, à l'époque. Et je trouve ça vachement intéressant de voir cette espèce de parallèle 20 ans après de l'extrémisation du rap comme l'a fait le métal il y a 20 ans. Ouais. Voilà, c'était Perturbé de Partie Sèche. On a encore un peu de temps. Est-ce que tu veux écouter une cinquième chanson, Sébastien? Je sais pas. moi, je l'ai prête, attends. J'ai retrouvé le groupe là, que je disais, c'est Body Count. Body Count, ouais, c'est vieux ça. Ouais, mais c'est vieux, ça. Pour te dire que ça date pas d'un d'hier, quoi. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être écouter. Il y a le groupe d'un ami à moi du Pays Basque qui fait des trucs sympas. Accessoirement de temps en temps aussi il est animateur à la radio donc j'ai bien envie d'écouter un de ses projets, un de ses morceaux là que j'aime bien, donc si t'es d'accord Mathilde. Ben voilà, on pourra faire un peu d'autopromo quoi. Ouais, presque bon. C'est Oyartsun avec Kidurun Taido et Tabosh Tegun, et puis comme d'hab on va en parler après. Oyartzun avec Kilodeunta et Jogeta Bosht Egun. Voilà, c'était le cinquième morceau que tu as choisi et je t'en remercie. De nada. En vrai, ça fait 2 ans que je suis là. C'est la première fois que je fais un peu d'autopromo. Bah d'ailleurs, on va échanger les rôles. Je vais devenir l'animateur, je vais t'interviewer. Interview dans moi. Ah ouais, bizarre. Je vais t'interviewer. Alors déjà, j'aime beaucoup cette batterie Easy Drum là. Ouais, c'est Easy Drummer. Ouais, Easy Drummer, voilà. C'est Easy Drummer, ouais. Je me suis pas fait chier ce coup-là. J'ai mis une batterie, j'ai foutu en boucle pendant tout le long. Et c'est parti. En même temps, c'est un peu le but, que ce soit complètement assez fake, quoi. Alors, bah, justement, explique-nous ce projet Oyartzun. Déjà, est-ce qu'il est toujours d'actualité ou pas? Ouf, toujours plus ou moins d'actualité. C'est mon projet perso, à moi, où je m'amuse à faire un peu tout, n'importe quoi. L'idée à la base, c'était de sortir des chansons, comme ça, indépendamment les unes des autres. Donc, il peut y avoir de la folk, du métal, de la symphonie, enfin, selon mon envie du moment. Au bout d'un moment, j'ai réuni ça dans une compile, quoi, un album, une compile. Et puis, il est arrivé quelques mois après le confinement. Et du coup, pour la première fois depuis que j'ai commencé la musique, c'est-à-dire 6-7 ans, j'avais que ça à foutre, quoi. Vraiment que ça à foutre pendant 2 mois, 3 mois. C'est vrai, je me rappelle. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai dû le faire, allez, je me lance, je fais un album de A à Z, quoi. Parce que pour moi, j'avais été vraiment cohérent de A à Z, c'est-à-dire penser comme un album, et pas juste des chansons les unes après les autres. Et donc, je me suis amusé à inventer une histoire avec des aliens, tout ça, tout ça. D'accord. Parce que j'aime bien la SF. Ça s'entend un peu, je pense. Et du coup, j'ai raconté une histoire et je l'ai découpée en 9 chapitres et j'ai fait 9 chansons, comme un peu comme une bande originale de films, mais vraiment en mode quand même chanson qu'on peut écouter indépendamment. Mais l'idée, c'est ça, chaque chanson raconte une partie de l'histoire, quoi. D'accord. Donc, du coup, toutes les chansons sont liées aussi, quoi. Toutes les chansons sont liées, ouais. D'accord. Après, du coup, il y a vraiment des trucs très différents, quoi. Celle-là, c'est la 7e chanson sur 9. C'est un peu la libération du truc, donc c'est pour ça que c'est très, très mouvementé, quoi. Ça bouge beaucoup, etc. Et juste après, c'est l'apaisement, donc ça va être du piano avec des nappes très très douces, etc. Donc il y a quand même des choses très différentes, mais il y a une cohérence entre toutes les chansons de l'album. Ouais. D'accord. Donc c'est toi qui as tout fait. T'as tout composé. Ouais, à part les voix de fond sur cette chanson-là, où j'ai demandé, c'était le confinement, donc je demandais à des gens de s'enregistrer sur des portables et tout, et après en mixant le tout, j'ai pu faire une espèce de foule derrière. Sinon, oui, tout le reste, j'ai fait à la maison. Après, j'ai eu du bol, parce que 2 mois avant, j'ai acheté des enceintes, je me suis équipé et tout ça, 2 mois avant le confinement, et donc je suis arrivé là, j'étais tout équipé, de quoi faire des batteries, pour m'enregistrer, un micro pour enregistrer, une carte son pour enregistrer la guitare, tout ça. C'est que des amplis virtuels, batterie virtuelle, tout est virtuel, je crois, par ma voix, et quelques basses et des guitares. D'accord. Bon, sacré travail, quoi. Écoute, je me suis amusé beaucoup. Je me suis beaucoup amusé, faut dire. Et est-ce que tu as eu un projet après de mettre ça en vivant avec des vraies personnes qui jouent ces instruments et tout ça? En fait, c'est ça le problème d'Oyartzun, c'est qu'il y a tellement de trucs différents qu'il me faudrait un orchestre entier pour tout jouer, quoi. D'accord. En temps, je me dis, tiens, là, je vais mettre un glockenspiel, là, je vais mettre une flûte, là, je vais mettre je sais pas quoi. Et vu que chaque chanson est différente, ça finit c'est comme un débile, quoi. Ah ouais, je vois. Mais évidemment, en parallèle, j'ai un groupe qui est un peu le pendant live d'Oyartzun, qui s'appelle Egar. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur Instagram et Facebook, parce qu'on va bientôt sortir des chansons et un clip. Parce qu'on vient de faire une petite résidence. D'ailleurs, tu étais là, Seb, c'est toi qui nous a fait le son. Yes. Donc on aura des trucs à sortir bientôt. On fait un premier concert à Austerlitz le 17 février. Ça fait très bizarre de faire un propre promo pour une fois. D'ailleurs, si vous êtes promoteur et que vous les invitez sur Bordeaux, allez-y, ils sont 12. Voilà. C'est facile à accueillir. On est 5, dont 4 remplis. C'est un bordel, par contre. mais du coup, c'est un peu le pendant live d'Oyartzun. D'ailleurs, cette chanson-là, on la joue en live. Un peu remodelé. Il y a une autre chanson d'Oyartzun qu'on joue en live, mais de toute façon, après Oyartzun, Egar, c'est moi qui compose. Après, j'amène, on remodifie derrière avec le groupe, mais c'est quand même une base d'Oyartzun, quoi. Il y a même des chansons, je me suis dit, tiens, est-ce que je l'ai fait pour Oyartzun, est-ce que je l'ai fait pour Egar, et finalement, j'ai choisi soit l'un, soit l'autre, quoi. D'accord. Je vois tout à fait. Donc en fait, Oyartzun, c'était un peu ton comment on appelle ça là, ta grosse tambouille. Enfin voilà, tu ouais, voilà. Et puis maintenant, tu pioches dedans pour. Ouais, c'est ça. L'amener sur Egar. Voilà là. Puis j'ai quelques idées, enfin d'autres trucs. C'est possible que je pioche dans les chansons que j'ai faites pour Oyartzun pour faire d'autres trucs à côté. Ouais. Moi, je me rappelle de la fin de la résidence où tu nous as tous remerciés en nous disant « Merci les gars, merci d'être là pour me permettre de mettre en vie toutes ces idées qui bouillonnent dans ma tête, quoi. » Ben ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est presque frustrant parfois d'avoir des idées et de ne pas pouvoir les faire, quoi. Parce qu'en plus, avec Egar, techniquement, je pense que je suis le plus mauvais de tous. Peut-être Paul à la basse, mais parce qu'il est guitariste à la basse, donc ouais. Pas son instrument. Donc c'est pour ça que finalement, je suis peut-être meilleur que lui sur cet instrument-là. Mais sinon, au piano, au clavier, il y a Oriana qui est une machine à tuer. Je pense qu'il a passé trois quarts de sa vie, sans exagérer, à jouer piano au conservatoire. Oshka, qui est un super solo, j'adore ce putain de solo. Ouais. À la batterie aussi, il défonce, il a un bon groove et tout. Et je suis incapable de faire ça, moi. Donc c'est trop cool d'avoir des idées, de me dire, tiens, ce serait cool de pouvoir faire ça. Moi, je suis capable de le faire, mais j'ai des gens pour le faire à ma place, quoi. Et c'est génial, c'est trop bien. C'est incroyable de voir ces trucs qu'on a à la tête prendre vie en vrai et quand ça marche, qu'il y a une espèce d'effet de groupe, que d'un coup ça explose. Les sensations sont assez incroyables. Ouais. Alors, moi qui étais, je vous partage ça, c'était incroyable. Franchement, il y a une belle énergie, il y a des bons morceaux. Donc, si vous avez l'occasion de venir les voir le 17 février, c'est ça? 17 février à Ustaritz. Et puis après, Ustaritz. On cherche les dates après. Voilà, donc Bordeaux, si vous avez des dispos par là, n'hésitez pas. Franchement, ça vaut le coup, quoi. Voilà, et puis n'hésitez pas aussi à venir nous voir pour rester sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, ouais. Il faut être connecté, quoi. Voilà, parce qu'il y a un truc qui va bientôt sortir sur les réseaux, là. Ouais, on a un clip qui est en route et juste par deux ou trois chansons, ça dépendra de ce qui sort bien ou pas. Parce qu'on a tout enregistré en mode live pendant la résidence. Et évidemment, on a mis des pains parce qu'on n'a jamais fait de concert encore ensemble. Donc, on va voir ce qui sort bien ou pas. Et selon, on va sortir quelques chansons une fois que ce sera mixé. Mais pour ça, il faut rester connecté pour savoir où ça en est. Egar, quoi. Comment tu l'écris, Egar? Egar, E-G-A-R. Ah ouais. Egar.cosmic, avec K-O-S-M-I-K, sur Instagram, parce que Egar tout seul, c'était déjà pris. Ah! Donc, il fallait être quelque chose, et vu qu'on fait un peu du truc un peu spatial, voilà. D'accord, toujours branché SF, quoi. Toujours branché dans l'espace. Je te rends ton rôle d'animateur. Maintenant. Ah ouais, ça fait bizarre. Ouais, c'est pas désagréable, cela dit. C'est pas complètement désagréable, on va pas se mentir. Bon, mais trop bien. C'était ça, tes 5 morceaux que tu as choisis pour entrer dans la musique au Pays Basque, selon toi. Évidemment, il y a quelques centaines d'autres groupes avec lesquels vous pouvez entrer. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir sur Badok, B-A-D-O-K. Voilà. Il y a à peu près tout ce qui se fait en langue basque, tout style, et il y a des centaines de groupes dessus. Et tout est gratuit. La plupart des groupes basques envoient leur CD à ce site-là, Badok, pour le diffuser, quoi. Pour être référencé aussi. Donc, si vous voulez vraiment écouter, découvrir des trucs, il y a vraiment tout et n'importe quoi, du métal le plus extrême, à l'électro le plus extrême, à la folk la plus extrême, vraiment tout ce que vous voulez. Seb, je te remercie pour avec cette plaisir. Émission. C'était très cool. Voilà, la semaine prochaine, du coup, on va te retrouver, toi, dans la pochette. Yes. Tu vas nous présenter un album, on ne va pas dire lequel, on va essayer de faire ça, surprise un peu. Et dans 2 semaines, je ne sais pas, est-ce qu'on aura le temps, est-ce qu'on aura pu trouver le temps de faire cette fameuse émission? Ah, on va trouver quand même. On va trouver le temps. Je ne sais pas si ça sera pour dans 2 semaines, on va trouver le temps, parce que le sujet est assez rigolo. Je pense qu'on risque de rigoler, on risque d'avoir des invités surprises aussi. Je tisse peut-être un peu trop, pareil, on va pas du tout réussir. Non, ça arrête toi là, fiasco. Ça suffit. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine dans la pochette avec Seb et dans 2 semaines pour une autre émission de la boîte à gants. Et comme d'habitude, ben, surprise, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dans cette fameuse émission. En tout cas, je te remercie d'être venu. Avec plaisir, franchement, c'était cool. Et je te dis à la semaine prochaine, toi. À la semaine prochaine. Salut.